Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Albanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une émission enregistrée un peu plus tôt dans la semaine. C'est du contenu en différé, mais toujours inédit et unique. Ce soir, plein de chouettes choses à s'écouter. On va vraiment creuser l'underground avec les quelques nouveautés. Le seul groupe qui sort du lot en termes de notoriété, c'est Cattle Decapitation. Sinon, on va pouvoir s'envoyer du Spinbreaker, Ernst, Dead Chasm et autres joyeusetés qu'on aura le temps d'énumérer des deux heures que l'on va passer ensemble. Première doublette de ce soir, doublette américaine, vous verrez, il y aura plein de groupes californiens en plus aujourd'hui. Et tout simplement une ouverture d'émission avec une nouveauté, les monstres de Cattle Decapitation, l'excellent groupe de death venu des États-Unis. Donc nous sort son 10e effort studio Terrazite, ce qui permet de marquer au passage les un peu plus de 25 ans de carrière de la formation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nouvel effort studio? Ils sont vraiment impressionnants. Garder un tel niveau d'efficacité, de créativité, de réalisme, album après album, hein, pour moi déjà, Anthropocene Extinction, c'était, il n'y avait pas mieux. Ils ont fait mieux avec Death Atlas, et là, c'est pas qu'ils font mieux, mais ils font encore tellement bien avec ce Terrazite. 50 minutes de death, mais putain, on n'a pas le temps ni de s'ennuyer, ni de trouver que c'est trop. C'est d'une richesse musicale et surtout vocale. Travis Ryan, putain, un des meilleurs chanteurs de sa génération. Tout est absolument parfait. C'est, enfin, voilà, cet album n'a encore une fois aucun égal en la matière. Voilà, on va écouter le titre We Eat Our Young. C'est un des premiers extraits qui était dispo en ligne pour Cattle Decapitation. Et en doublette, une autre formation ricaine qui promet pour cette année, Enforced, avec le nouvel effort studio War Remains. Et on s'écoutera le titre Sterve. Sur ce, bienvenue dans l'émission. Avec un groupe qui a bénéficié d'un focus la semaine dernière, mais tout d'abord Enforcer, formation qui nous vient de Suède. Le groupe nous fait du bon heavy revival, bien burné, bien speed et très très plaisant à s'écouter sur ce nouvel effort studio de Enforcer. Il voit le jour du côté de Nuclear Blast, hein, 20 ans que le groupe existe. C'est catchy, c'est heavy 80 et tu basques à fond. En doublette, on aura le groupe de Black Atmo, un peu mélo, qui nous vient d'Italie, Blaze of Sorrow, de grosse inspiration de la scène française, un petit peu aussi la scène américaine, type Cascadian. Actifs depuis une quinzaine d'années, ils sortent là leur cinquième effort studio, très très très qualitatif. À noter également que les textes sont chantés en italien. Enforcer, on s'écoutera le titre Coming Alive avec son album Nostalgia. Blaze of Sorrow, le morceau Flammae, extrait de l'album Vultus Fati. Et c'est parti. Yeah! pour la doublette à venir, zéro tendresse, zéro délicatesse et même un petit peu de fun. Hein. On espère que le matériel de diff va tenir le coup. Extermination Dismemberment, le groupe de slam death qui nous vient du Bélarus, vient de sortir son troisième effort studio 10 ans après le très très bon Herbicide. C'est vrai que le premier extrait qu'on va d'ailleurs s'écouter ce soir était sorti en 2018. On ne savait pas trop à l'époque ce que ça allait donner, un EP, un album. Voilà, ils nous sortent là un troisième effort studio ultra qualitatif. Ça évolue même musicalement et plein de richesses et plein de très bonnes choses. Au passage, le label, le groupe passe du label Amputated Vein Records à Unique Leader. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ce nouvel effort studio s'intitule Dehumanization Protocol et on s'écoutera le très rigolo Omnivore. Vous allez voir, une des spécialités de Extermination, c'est d'user et d'abuser des gros bass drop à un coup de gros sub. Là, c'est un des plus balèzes que l'on puisse avoir dans la disco d'Extermination et tout style de métal extrême confondu. Voilà, si votre système de diff est bon, il sera mis à rude épreuve. Et s'il n'est pas bon, bah, il va fumer. Drain sera en doublette avec Extermination, le groupe de hardcore américain, avec un extrait de son nouvel album intitulé Living Proof. On s'écoutera le titre Devil Itch. C'est parti, Extermination, Drain. C'était annoncé au début de l'émission, parmi les nouveautés de ce soir, on va pas mal creuser du côté de l'Underground. Preuve en est de la doublette suivante, bon, même si pour le coup, le groupe qui ouvre la doublette suivante n'est pas dans l'Underground, hein, on est sur un des groupes les plus cultes du heavy metal venu du Japon, Anthem. Pour le coup, c'est également une des plus vieilles formations, ils viennent de sortir là leur 20e effort studio. Le groupe a bénéficié d'un focus ultra riche la semaine dernière. Là, on est sur du heavy à la sauce américaine, rehaussé de power... venu d'Allemagne ou de Suède, c'est efficace, classique, catchy et surtout vocalement, ça tient méchamment bien la route. Voilà, Anthem nous sort un très très bon nouvel effort studio intitulé Crimson Entered Black et en doublette une autre nouveauté pour ce soir, Ascended Dead. C'est une formation qui vient au passage de signer chez 20 Buckspin Records, ils viennent de chez Dark Descent. Clairement une signature 20 Buckspin. C'est gage de qualité. On est sur du death violent, crado, limite bestial, sans être brouillon pour autant. On est dans une veine Sadistic Intent, Angel Corpse. Voilà, c'est une formation qui nous vient de San Diego. Ils sortent là leur second album studio, 6 ans après le premier. Tout temps, il y a eu des petits splits. Voilà, Ascended Dead, à suivre de près. Et puis bah voilà, du death bien quali, encore une fois. Anthem, on s'écoutera le titre Faster, Ascended Dead, extrait de l'album Heavenfall of the Apocalypse, on s'écoutera le titre Ungodly Death. C'est parti. Too late. complète suivante, Predatory Void, Burning Witches, c'est des groupes qu'on vous a présentés la semaine dernière. Pour la faire simple, Predatory Void, c'est une nouvelle formation, un peu en forme de All-Star Band venue de Belgique, avec des membres de Amenra, Carnation, et un des tout premiers guitaristes de Aborted. On est sur du Blackening Doom Sludge, c'est lourd, c'est rampant, c'est violent, à la sauce post-hardcore, notamment au niveau du chant. Voilà, sachant que un des gratteux de Predatory Void est notamment un des fondateurs de Oathbreaker, voilà, pour donner un petit peu la tendance musicale. Et en doublette, nous aurons les Suisses de Burning Witches, le groupe de Heavy Toton formé uniquement de musiciennes, 5 femmes qui arrachent bien comme il faut à la sauce Crystal Viper, Battle Beast, et voilà, vraiment le Heavy très allemand, très rugueux, presque trash dans le style. C'est terriblement efficace ce que nous fait Burning Witches, et puis surtout c'est hyper chantant. Shedding Weathered Skin, les titres de Predatory Void, extrait de l'album Seven Keys of the Discomfort of Being, une sortie Century Media, et ensuite la sortie Napalm Record, Burning Witches, Evil Witch, extrait de l'album The Dark Tower. C'est parti. Black Sun! that I hated me that steady hand and was strained by the Et la doublette suivante nous permet déjà de glisser dans l'aspect française, Moonreich, Warfuck, formation francilienne et formation lyonnaise. Moonreich tout d'abord, le groupe de black metal ultra qualitatif, actif depuis une quinzaine d'années, qui vient là de sortir son cinquième effort studio, toujours une sortie, Les Acteurs de l'Ombre. Cinq morceaux d'une richesse absolument folle, les morceaux font entre 5 et 13 minutes. C'est long, c'est ambitieux. Et c'est très volontiers bien maîtrisé, vraiment à la sauce Moonreich. On a du black violent, froid, sinistre, avec des éléments un peu plus expérimentaux, lourds, vraiment dans la lignée du précédent Fugue qui était sorti en 2018. C'est toujours ultra bien maîtrisé et inspiré la musique de Moonreich. En doublette, nous aurons le grindcore de Warfuck, la formation lyonnaise, active depuis une douzaine d'années, qui nous sort là un petit 19 titres pour 23 minutes. On est très loin du style de compo de Moonreich, mais c'est pas grave, c'est pas du tout ce qu'on attend d'un Warfuck. Du grindcore bien comme il faut, toujours un petit duo terriblement efficace et ravageur. Moonreich, le morceau Astral à Joe, extrait l'album Amer. Warfuck, Malopre, enchaîné à Piour, extrait l'album Diptyque. C'est parti. Man.